Ce n'est pas l'été, parce qu'il n'y a pas d'été en enfer. Ce n'est pas le froid de l'hiver, car ce n'est pas comme ça l'enfer. L'enfer, c'est ce que je ne savais pas hier. Tu m'as blessé sans même le remarquer. Et c'est dur d'arriver à oublier quelqu'un qui est toujours là près de toi. Qui a toute sa vie ses soleils et ses étoiles dans ses mains. Ses mains qui se serrent soudain. Ses mains qui fabriquent des ruines, de la poussière, un monde de poussière où je me sens seul. Ce n'est pas l'été, car il n'y a pas de soleil en enfer. C'est juste qu'aujourd'hui je sais ce que je ne savais pas hier.